La réémigration. Réémigration. C'est l'immigration à l'envers. Pour que la France retrouve son identité pleine et entière, il faut organiser la réémigration. Réémigration express nous fait payer. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, sans haine et sans reproche. RPNL, réémigration express nous fait payer. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, les cosmopolites en PLS. Ils débarquent de tous les côtés, ceux que t'appelles migrants. Avant on disait clandestins, mais ça c'était avant. Comment peuvent-ils le corniller, le grand remplacement? Tout cela n'est que délire pour les médias dominant. Ce n'est pas du vivre ensemble, c'est du faire avec. La tactique, c'est l'attaque qu'il y a comme à Molenbeek. Imposer la charia, ils essaieront, c'est sûr. Et nous, on bouge pas, comme sous une bonne dose de bromure. Faudrait gérer ses frontières, prévoir quelques charters s'ils préfèrent. Le bled, bah, qui se porte volontaire. La rémigration, c'est comme le retour de vacances. Content de retrouver la maison après une longue absence. On trie bien nos déchets, pourquoi pas les étrangers. Si tu t'assimiles pas, pris par toi, dégagé. Fini les journées portes ouvertes, tu baiseras pas la France gratis. Je pense que la rémigration sera pour tous un bénéfice. RPNL, réémigration express, tout frais payé. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, sans haine et sans reproche. RPNL, réémigration express, tout frais payé. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, les cosmopolites en PLS. Vite prépare tes gosses, la rémigration approche. Des canettes de soda vous attendent sur votre sol. On vous renvoie en Afrique, battez-vous pour votre cause. Sinon la guerre civile se finira dans la fosse. C'est logique de préférer son prochain à son lointain. Les frontières vont se fermer, ils vont chialer les youpins. Plus Libye ou de Syrie, nos soldats comme chars à canon. Sans nos forces vives, Israël se la mettra profond. Dégageons les communistes qui squattent dans nos églises. Qu'ils arrêtent de travestir le message de notre Christ. Le Front National se sert de nez sur des affiches. La gauche et la droite, cela ne veut plus rien dire. J'en ai partout la tête de ces changements culturels. Toutes les rues de France commencent ça ressemblait à Barbès. Dégagez tout si je tape, pas de pitié pour ces sauvages. Positif est le message, on veut éviter les noyades. RPNL, réémigration express nous fait payer. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, sans haine et sans reproche. RPNL, réémigration express nous fait payer. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, les cosmopolites en PLS. Kirikou n'est pas grand, mais il prend de la place. Mais il prend de la place. Il prend beaucoup trop de place. Kirikou est petit, mais il doit partir. Mais il doit partir. Et le plus vite possible. Peu importe les moyens de locomotion, les dégâts en sommation. Les youtres aussi les francs-maçons. Dégagez de mon domicile, j'ai pas assez dans mon frigo. Pourtant je défends les animaux comme Brigitte Bardot. Si j'étais à votre place, je rentrerais à ma maison. Eric Cartman, fini la récréation. On range gentiment ses affaires dans son cartable. RPNL, réémigration express nous fait payer. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, sans haine et sans reproche. RPNL, réémigration express nous fait payer. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, les cosmopolites en PLS. Les métèques font une OPA sur ce qu'il reste l'extrême droite et me conforte dans mon idée qu'un boukak reste un boukak. Jean Messia, Karim Mouchik, profession suceur de juifs, je suis genre de goy pas trop naïf. Que Golnad elle a dans le pif. La France libre c'est pas mon truc, j'aurais plutôt maréchalif. Mais là je parle pas de l'autre grognasse qui s'amenait ça à la gourgandine. La fenêtre d'Overton, on va en péter la vitre. Pas le temps pour le politiquement correct, ni même l'envie. Je compte bien tenir mes positions comme l'indivision. Charlemagne, Charles Martel, Charles Maurras. Trois Français d'exception, presque autant que Saint-Jeanne d'Arc. Qui soit dit en passant, n'était pas une putain de négresse. La chatte à Charles d'Ornelas. Faut restaurer le coefficient de blancheur de la France éternelle. Pour les déprépus, c'est l'Alia ou la Hijra. Seront offerts, j'en laisse le choix, c'est soit le charter, soit on les désintègre. J'apporte ma pierre à l'édifice pour lapider les putains nègres. RPNL, réémigration express nous fait payer. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, sans haine et sans reproche. RPNL, réémigration express nous fait payer. Vol charter sans escale, ni passer par la CAF. Direction le Wakanda pour tous les bamboulas. C'est du racisme positif, les cosmopolites en PLS. La réémigration signifie que progressivement, par l'inversion des flux migratoires, on fait partir non pas les Français de souche, mais les Français de papier.